ça devant toi. Je voulais alors te prendre dans mes bras. Tu n'as pas su me comprendre pourquoi. J'étais pourtant plein d'attention. J'avais pourtant de l'admiration. Tu ne voyais pas plus loin que bout de tension. Fais attention. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé. Je t'ai guidé dans tes pensées. Je t'ai aidé à te dépenser. Tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu as toujours voulu m'enfoncer. Tu ne voyais pas plus loin le bout de ton nez. Faut s'en tirer. King Kong, King Kong. Oh oui, oh oui. King Kong, King Kong. J'attends le temps. Je t'appelais King Kong bien des fois. Je t'appelais bien King Kong ma foi. Tu avais l'air si fort en dehors. Tu avais l'air si fort dans ton corps. Tu l'as tué comme ça devant moi. Tu l'as achevé comme ça de sang-froid. J'ai essayé de te raisonner, mais tu l'as tué sans hésiter.